Chapitre 1, sous-chapitre 53 à 57 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Frédéric Surget. Conclusion sur les apparitions et le retour des âmes. On doit remarquer que, de même que nous l'avons annoncé, nous avons eu soin de prouver, plutôt par des exemples que par des discussions qui paraissent souvent arides au lecteur, l'existence du sentiment universel à l'égard des apparitions surnaturelles et du retour des âmes. Il résulte de tout ce qui précède la réalité que la nature renferme des choses mystérieuses que jamais la philosophie n'expliquera. Elle nie. Elle a bien nié Dieu, malgré l'assentiment de toutes les nations, malgré l'éclatant témoignage de la création, malgré le cri de l'âme, malgré l'harmonie et l'ensemble de l'univers, malgré la puissante voix de toutes les créatures qui crient « Nous n'avons pas pour père le hasard aveugle, il y a un être suprême qui a présidé à notre naissance et qui veille à notre conservation. Il y a un concert dans le ciel, il y a une harmonie sur la terre dont Dieu seul est l'auteur. Il n'y a que lui qui ait pu faire de si grandes merveilles. » Pour démentir l'opinion répandue chez tous les peuples de l'intervention d'une puissance supérieure sur les destinées des royaumes et des individus, il faudrait étouffer le cri général qui s'élève à chaque événement et qui est le signe de la vérité. Qu'un écrivain s'évertue dans son cabinet à prouver que tout est erreur et préjugé dans les manifestations extraordinaires qui se sont succédées de siècle en siècle pour révéler les mystères des empires, des familles et des particuliers, cet homme passe avec son livre et les générations ne tiennent pas moins à leurs institutions. Il faut être bien hardi pour dire à tous les peuples « Vous êtes des insensés. Toi, juif, l'histoire de ta nation n'est qu'une fable. Tous tes chefs, tous tes prophètes étaient des imposteurs. C'est moi qui le vois. Mes regards sont plus pénétrants que tous les regards de vos auteurs sacrés. Tous les historiens de pareils prodiges dans les autres nations en ont imposé également. Insensé toi-même, philosophe, accorde du moins que si dans la multitude des faits il s'en trouve de faux, il t'est prouvé par des archives du passé, par une foule de témoignages, que l'on n'aurait pas inventé des prodiges si l'on n'eût pas senti l'instinct inné des nations pour quelque chose de surnaturel. Si toutes les générations éprouvent le besoin d'y croire, ce sentiment ne dépend pas d'elles. Il est une loi de l'organisation des sociétés. Le prodige apparaît sous différentes formes, suivant leur état de civilisation. Le Romain n'est pas frappé de visions semblables à celles du Juif. Le chrétien en reçoit qui ne sont pas les mêmes que celles du juif, comme le musulman en subit selon l'esprit qui le domine. Mais il est clair que tous les peuples croient à l'ordre surnaturel, manifesté de temps à autre par les apparitions sensibles ou insensibles, par des oracles, des prédictions, des signes du ciel, qui ne manquent jamais à la veille de grands événements. Nous ne désavouons pas qu'il y a des apparitions fausses, n'y a-t-il pas des cultes faux aussi? Et conclurez-vous de là que parce qu'il y a des cultes faux, les hommes n'ont pas le sentiment de la divinité? On a dû s'apercevoir que dans tout ce que nous avons rapporté, nous avons puisé de grands faits dans des auteurs recommandables par leur savoir et leur prudence. Ainsi, nous avons pris nos renseignements dans la Bible, dans les Pères de l'Église, dans Tite Live, dans Plutarque, qui nous semblent des autorités. Il nous a paru aussi utile de mêler dans la nomenclature plusieurs aventures dont le lecteur fera l'appréciation selon son jugement. Ce que nous avons dit sur les apparitions, sur leurs causes, sur les visions, sur les spectres, les fantômes, sur le retour des âmes ou les revenants, a été tellement accrédité dans les traditions des peuples que la question a été agitée par des savants, des théologiens, des philosophes. Loin de vouloir imposer l'opinion sur les apparitions, sur le retour des âmes, les visions, les spectres, opinions qui, à certains égards, est altérée par des erreurs et des préjugés, cet alliage qui se rencontre toujours dans les croyances, comme l'hérésie et le schisme dans les cultes, nous voulons que le lecteur s'éclaire d'après des dissertations. C'est dans le but de diriger son discernement sur le merveilleux de la vie que nous ajouterons à ce qui précède, comme un appendice de nos recherches, quelques morceaux de l'ouvrage curieux de l'anglais Dufresnoy qui a traité le sujet de manière à piquer la curiosité. Sur les visions ou apparitions purement naturelles. Indépendamment des apparitions qui se font par l'ordre de Dieu et dont l'histoire sainte nous fournit quantité d'exemples, il y en a d'autres qui sont naturelles et qui ont une cause physique, et d'autres qui, n'ayant aucune réalité, n'existent que dans l'imagination de ceux qui croient les voir. Quant aux apparitions naturelles, il est constant qu'il peut y en avoir, c'est-à-dire que dans le sens que nous allons exposer, les morts peuvent se faire voir. Et voici comment. Les corps récemment enterrés, et surtout s'ils ne sont pas avant dans la terre, exhalent continuellement en se corrompant une certaine quantité de vapeur à proportion de leur grandeur et de leur grosseur, et ces vapeurs imitent, autant qu'il se peut, les figures des cadavres qui les envoient. Ces vapeurs peuvent même être transportées ailleurs par un vent léger sans qu'elles soient décomposées, attendu que l'on suppose que les parties de ces vapeurs étant grasses ou oléagineuses, elles peuvent se soutenir et conserver par cette raison leur figure cadavérique. En cela, il ne paraît rien qui soit miraculeux. Mais quand ce phénomène ne se montre pas à un bon physicien, et que c'est au contraire quelque ignorant qui aperçoit ces sortes de spectres qui se présentent à ses yeux, il ne peut se persuader qu'en cela il n'y ait quelque chose d'extraordinaire qui ne part pas d'une cause naturelle. Cependant, la chose peut se faire naturellement, et il est sûr que si l'on brûlait maintenant les corps morts comme on les brûlait autrefois, ces spectres ne se formeraient point de leurs cendres, parce que leur sécheresse les empêcherait d'envoyer aucune vapeur, et parce que la figure cadavérique aurait été décomposée, et qu'elle ne se trouverait plus dans ses cendres. Les feux qui paraissent quelquefois dans les cimetières, ou dans les endroits où l'on a donné des batailles, doivent encore moins surprendre. Ce ne sont que des exhalations grossières qui sortent naturellement des cadavres et qui prennent facilement feu. Ainsi, il peut fort bien arriver que le démon n'ait aucune part ni dans l'un ni dans l'autre cas. L'on peut appliquer ici ce que dit Aristote dans son livre des météores. Ce philosophe rapporte qu'il y eut un homme qui voyait toujours devant soi son image, comme s'il eût été devant un miroir. Voici comment cela se peut expliquer. Outre la faiblesse de la vue qu'on peut supposer dans cet homme, il fallait qu'à cette faiblesse, il se fût joint une grande chaleur dans la partie antérieure de son cerveau, une extrême subtilité dans les esprits qui servent à former la vision, et que ce même homme exhala des vapeurs grossières, plus qu'on en exhale ordinairement, afin que son image pût en être réfléchie comme par un miroir. Les images que l'on a vues si souvent imprimées dans les nuées, et qui ont quelque conformité à ce que nous venons de dire, ont été la plupart du temps naturelles, et c'est un phénomène très connu maintenant sous le nom de mirage. Une nuée peut être disposée de telle sorte et regardée de telle manière par le soleil qu'elle puisse recevoir les espèces des hommes, des animaux et des arbres qui sont sur la terre, et réfléchir ensuite ces espèces jusqu'à nos yeux. Ainsi, l'on peut y voir des hommes, des animaux, des arbres et même des armées entières, ainsi que cela est souvent arrivé en Égypte à l'armée commandée par Napoléon. Quelquefois, ces apparitions ne sont que dans la seule imagination des personnes faibles, comme des femmes, des enfants, des mélancoliques et des moribonds. On aura parlé aux premières d'une manière un peu vive du retour des morts ou des apparitions du démon. Ces personnes auront écouté ces choses avec attention et en même temps avec crainte. Elles les auront crues sur le témoignage non suspect de celui qui les raconte. Leur cerveau en aura reçu des traces plus profondes à mesure qu'on en aura parlé plus souvent, et d'une manière à les émouvoir et même à les persuader. Sur cela, ces personnes iront se coucher ou se trouveront seules dans les ténèbres. Alors, le cerveau, ne recevant point de traces d'aucun autre objet présent, se rappelle celles que le récit a formées dans leur imagination. Elles se rouvrent et souvent avec assez de force pour leur représenter les spectres ou les fantômes qu'on leur a dépeints. Pour ce qui est des visions qu'ont certains malades au lit de mort, elles peuvent à la vérité venir aussi bien de Dieu que de l'ennemi de notre salut. Mais elles ont ordinairement une toute autre cause. De ces malades, il y en a qui s'imaginent voir autour d'eux des dragons, des démons, des monstres, et il s'en trouve qui ont eu de ces visions affreuses. Nous en citerons un, entre autres, qui voyait, disait-il, un spectre au coin de la chambre où était une porte, et ce spectre de figure humaine était, disait-il, habillé en ermite avec une longue barbe et deux cornes sur la tête, ayant d'ailleurs une figure horrible et une contenance effroyable. Cet objet frappait si vivement le malade qu'il était comme impossible d'apporter quelque remède à sa frayeur. On lui voyait les yeux égarés à la vue de ce spectre, et pour ne le pas voir, tantôt il se couvrait la tête, tantôt il la tournait vers les endroits où il croyait ne le pas apercevoir. Enfin, rien n'était plus digne de compassion que la situation de ce moribond qui d'ailleurs était homme de bien et bon chrétien. Quiconque ne sait pas les raisons physiques de ces sortes d'apparitions ne manque pas de dire ou que c'est Dieu qui les permet et qui par là fait éclater sa justice contre un pécheur au lit de la mort, où l'on dit que c'est le démon qui agit et qui veut jeter cet infortuné dans le désespoir. Pour moi, quand je trouve les raisons physiques d'un événement, je m'en sers et je m'en contente sans d'abord le rapporter à la justice du souverain être ou à l'ennemi du salut, quoique souvent on puisse bien les lui rapporter. Mais si nous acceptons seulement quelques cas extraordinaires qui n'arrivent que très rarement, tous les autres de cette espèce viennent de la source que nous allons expliquer. Quand la maladie est extrême, les organes du malade s'affaiblissent et se corrompent presque entièrement. La température du cerveau se dérange et sa force diminue étrangement. Le feu des esprits animaux, principe de vie, s'éteint. Des vapeurs mortelles s'élèvent et montent jusqu'au cerveau. Alors, elles entrent et s'insinuent dans toute sa substance, où elles errent à leur gré, mais avec une agitation rapide et continuelle. L'imagination participe à ce dérangement. Les fonctions des sens cessent, ou en totalité ou en partie. De là, ces rêveries et ces raisonnements peu suivis que l'on remarque dans ces malades. De là, ces spectres, ces démons, ces monstres qu'ils croient voir, toucher et sentir, c'est de cette cause que naissent ces cris qu'ils font entendre, ces frayeurs où ils tombent et qu'ils manifestent. Telle est enfin la source de ces symptômes qu'ils font paraître et qui font souvent frémir ceux qui se trouvent auprès d'eux. Où l'on forme et où l'on prouve que les morts peuvent revenir. Le retour des morts est une de ces choses que quantité de gens croient trop facilement et qu'une infinité d'autres ne croient point du tout. Les uns, trop crédules et trop prévenus pour des fables, reçoivent tout ce qu'on leur débite sur un pareil sujet. Qu'il soit vrai ou faux par rapport à eux, c'est la même chose. Pour être entièrement persuadé qu'un mort est revenu, il ne leur en faut pas davantage que d'avoir entendu quelques bruits dont ils ignorent la cause. Il leur suffit même d'avoir fait quelques sons sur ce sujet. Quelquefois, la seule imagination, surtout quand elle est frappée, suffit pour leur faire croire la chose jusque-là que souvent rien n'est capable de les détromper. C'est là une marque d'un esprit léger. C'est une faiblesse que nous avons raison de condamner, parce qu'elle ne s'accorde pas avec le bon sens, selon cette expression du sage, qu'il y a de la légèreté d'esprit à croire trop facilement. Les autres, au contraire, donnent dans un excès opposé à celui que l'on vient de dire, mais bien plus blâmable. Pire que les Pyrrhoniens, non seulement ils ne se comptent pas de douter de tout, mais ils nient tout ce qui ne se trouve pas conforme à leurs idées. Affectant de passer pour des esprits forts, ils se font une gloire, mais vaine et sotte, de rejeter les autorités qui établissent le plus fortement ce retour des morts. Les expériences du contraire qu'on leur apporte passent chez eux pour des imaginations, pour des fables et pour des contes, quelque authentiques, quelque avérées qu'elles soient d'ailleurs. Ils ne font pas difficulté de traiter de stupides ou de crédules ceux qui pensent autrement qu'eux. Demandez-leur cependant des raisons qui soient capables d'appuyer leurs sentiments, mais raisons assez fortes pour détruire l'opinion contraire, alors vous avez le plaisir de les voir dans l'embarras et la confusion. Ou ils n'en disent point du tout, ou ils en produisent de si pitoyables qu'elles ne méritent pas la moindre intention. Quant à nous, prenons un juste milieu. Nous ne rejetons pas absolument les apparitions des morts. Les Écritures sont trop formelles sur ce sujet. Les Pères se sont expliqués trop clairement pour oser les nier et les rejeter. Mais aussi, nous ne les admettons pas indifféremment. Si elles sont possibles, elles sont très rares et presque toujours suspectes. De 1000 que l'on publie comme véritables, il y en a 999 qu'on peut regarder comme fausses. L'erreur des sens, l'imagination, la peur sont autant de causes par lesquelles on est trompé. Tout cela montre qu'on se trompe souvent en prenant pour un mort ce qui ne l'est pas toujours en effet, mais quelque autre chose qui le représente par un ordre exprès ou une permission de la Providence. Outre ces raisons, nous en ajoutons ici une autre, qu'une âme ne saurait d'elle-même paraître en personne. Car pour paraître, il faudrait qu'elle parût ou sous son propre corps ou sous un corps emprunté. Or l'âme, dans son état de séparation, n'a aucun domaine sur son propre corps, ni sur aucun autre, dit saint Thomas. Ainsi, selon ce docteur, l'apparition d'une âme est un vrai miracle, rare et difficile par conséquent, ce qui n'empêche pas qu'elle puisse arriver quelquefois, comme on voit arriver des résurrections véritables qui sont miraculeuses sans pour autant qu'elles soient impossibles. Dans le second livre des Maccabées, on lit qu'Onias avec Jérémie, l'un prêtre et l'autre prophète de l'ancienne loi, apparurent à Judas les mains élevées et priant pour le peuple juif, et que celui-ci, s'adressant à ce capitaine, lui remit un glaive, lui disant ces mots « Accipe gladium sanctum in quo degicias adversarios populi mei. Recevez de mes mains ce glaive, il est saint, c'est un présent de Dieu qui vous servira pour terrasser les ennemis de son peuple. » Onias et Jérémie étaient morts depuis longtemps. Ils reviennent cependant tous les deux des limbes. Ils apparaissent au vaillant Judas Maccabée. Ils lui parlent, l'un d'eux le munit d'un glaive. Cette histoire, si bien circonstanciée, est une preuve que les morts peuvent revenir et l'on ne saurait la révoquer en doute. Voici un autre exemple dont il ne semble pas qu'on puisse douter et qu'on ne saurait attribuer à l'imagination ni à l'opération d'un esprit. C'est l'apparition de Moïse quand il se montra sur le Tabor où s'accomplit le grand mystère de la transfiguration. Cette apparition de Moïse, qui est certaine, se fit en personne. Ce fut Moïse lui-même qui apparut, et non quelque esprit en sa place, et les preuves en sont sans réplique. Dans cette occasion, le Sauveur voulait opérer un mystère et faire connaître que les hommes de tous les temps étaient tous également appelés à la gloire, dont celle qui rejaillit alors sur son corps fut une véritable figure. Pour en convaincre tous les hommes et leur montrer que c'était par les mérites de sa mort et de sa passion qu'ils devaient en goûter le fruit, il voulut y appeler des témoins, afin que sur leur rapport nul ne pût à l'avenir douter du mystère et de la fin pour laquelle il l'opérait. Moïse fut appelé pour ce sujet aussi bien qu'Élie, Pierre, Jacques et Jean, tous trois apôtres, reçurent la même grâce. Les deux premiers pour représenter l'Ancien Testament et la synagogue, les autres pour représenter la loi nouvelle et l'Église de Jésus-Christ. Or, pour rendre témoignage d'un fait qui doit passer pour incontestable, il faut l'avoir vu ou entendu. Il faut y avoir été présent en personne, autrement ce ne peut être qu'un témoignage ou faux ou douteux et nullement capable d'imposer aux hommes. Si donc Moïse et Élie furent appelés sur la montagne, conjointement avec les trois disciples, c'était pour rendre un témoignage certain de ce mystère. Il fallait donc que Moïse n'y fût pas moins en personne que les trois disciples et qu'Élie, qui n'étant pas encore mort, y parut en corps et en âme. L'Évangile est clair sur ce point. Ils apparurent, on les vit, on les entendit parler distinctement avec le Sauveur et discourir de ce qui devait se passer sur sa passion à Jérusalem. Ce fut donc une apparition personnelle que celle de Moïse. Ce ne fut ni une imagination, ni un songe, ni une fiction. Ce ne fut pas même un esprit qui vint le représenter. Croire autrement, ce serait faire violence aux paroles de saint Luc et de saint Matthieu. Ce serait aller contre la vérité de l'histoire évangélique. L'Écriture nous fournit encore un autre exemple du retour des morts, que nul ne peut nier sans témérité. Il est dit, dans saint Matthieu, qu'après la résurrection du Sauveur, plusieurs morts, étant sortis de leur tombeau, vinrent à Jérusalem où ils se firent voir à un grand nombre de personnes. L'on dira peut-être que quand ils apparurent, ils n'étaient plus morts puisqu'ils étaient ressuscités. Il est vrai, mais aussi comme leur résurrection ne fut que pour un temps, et même un temps fort court, selon l'opinion la plus reçue, Dieu n'ouvrit les tombeaux que pour confirmer et mieux établir la résurrection de son Fils. L'on peut donc assurer que ce furent des morts qui revinrent. Ainsi, tous ces exemples prouvent la possibilité du retour des morts. Et quand nous n'aurions que celui de Samuel, qui apparut en personne à la Pythonisse, et qui parla lui-même à Saul, nous en aurions assez pour croire que les morts reviennent, lorsque Dieu l'ordonne. Esprit Follet. Les anciens ont cru que les esprits, qu'ils appellent démons ou génies, étaient des demi-dieux qui participaient de la nature des dieux et des hommes. Ils sont, dit Apulée, immortels comme les dieux, et sujet à la pitié et à la colère comme nous. Ils se laissent toucher par les prières, par les présents et par les honneurs. Ils sont sensibles aux injures et aux mépris, etc. Toute leur occupation n'est que d'entretenir le commerce entre les dieux et les hommes et de prendre soin des choses d'ici-bas. Chaque nation, chaque famille a son esprit ou son génie qui la gouverne et même chaque homme en son particulier a le sien, qui le guide et qui veille sur sa conduite. Tous les peuples avaient beaucoup de respect pour ces esprits. Ils les adoraient comme le reste des dieux. Ils leur élevaient des autels. Ils leur offraient des sacrifices domestiques. Ils conservaient leurs images avec tout le soin et la vénération possible. Ils négligeaient même toute autre chose pour les sauver quand le malheur de la guerre les chassait de leur maison ou de leur pays. Aîné aima mieux abandonner ce qu'il avait de plus cher et de plus précieux que de laisser ses dieux domestiques à ses ennemis. les Romains ne le révéraient pas moins que les autres peuples. Ils n'assiégeaient point de ville que leurs prêtres n'eussent évoqué le génie ou le dieu tutélaire du pays, et lui promettaient, pour l'avoir favorable, de lui rendre à Rome le même culte et les mêmes honneurs qu'il recevait chez lui. Ils firent aussi publier un édit par lequel ils imposèrent de très rigoureuses peines à ceux qui blasphémaient contre leur génie, et l'empereur Caligula en fit punir publiquement quelques-uns de ceux qui les avaient maudits. Toutes les nations avaient tant de confiance en leur génie qu'elles n'entreprenaient jamais la moindre chose sans les consulter auparavant. Si elles réussissaient dans quelque entreprise, elles leur en attribuaient aussitôt la cause. Les Athéniens se crurent obligés du gain de la fameuse bataille de Marathon à Pan, qui avait promis à Parthénius de les secourir contre les Perses. Les Romains rendirent grâce à Castor et Pollux de la victoire qu'Aulus Postumius remporta près du lac de Régée sur Manius Octavius. Les Éléens se vantaient d'avoir défait les peuples d'Arcadie à la faveur du génie Sosipolis, qui avait paru en forme de serpent à la tête de leurs troupes. Les Bulgares attribuaient aussi la défaite des Romains au génie de leur pays qui les avait favorisés dans le combat. Ceux de Sarmatie, c'est-à-dire de Sibérie et de Tartarie, ont encore à présent la même vénération pour les esprits que les anciens avaient pour leurs pénates. Comme ils croient qu'ils demeurent dans les lieux les plus retirés de leur maison, ils y portent ce qu'ils ont de plus exquis et se persuadent qu'ils les comblent de bonheur et de prospérité quand ils les respectent et les honorent. Il y a eu des philosophes qui se sont imaginés que les esprits n'étaient que les âmes des morts qui, étant une fois séparés de leur corps, erraient incessamment sur la terre et nous paraissaient tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, que les âmes des héros se rendaient officieuses auprès de leurs parents, de leurs amis et des gens de bien, mais que les méchants persécutaient les hommes après leur mort comme ils avaient fait pendant leur vie. Ce sentiment leur paraissait d'autant plus vraisemblable qu'ils s'imaginaient voir des spectres auprès des tombeaux, dans les cimetières, dans les lieux où il y a des cadavres et dans ceux où l'on a tué quelques personnes. Il y a peu de gens qui ne sachent ce qui arriva dans Athènes au philosophe Athénodore. Ce philosophe, y étant un jour, entendit parler d'une maison que l'on avait abandonnée parce qu'il y revenait des esprits. Ce récit lui fit naître l'envie d'y coucher, mais il n'y fut pas longtemps sans ouïr un grand bruit de fer et de chaînes que traînait un homme pâle et tout décharné qui lui fit signe plusieurs fois d'approcher de lui. Athénodore ne s'épouvanta point de ce spectre. Il le suivit ardemment jusque dans la cour où il disparut. Il marqua aussitôt le lieu avec quelques feuilles qu'il ramassa et avertit le lendemain les magistrats de la ville de ce qui s'était passé, leur donnant avis de faire fouiller à l'endroit où le spectre s'était évanoui. On y trouva des os d'un cadavre. On le fit enterrer aux dépens du public, et depuis il ne fut question d'aucun bruit dans cette maison. Il arrive souvent la même chose dans les lieux où l'on a tué quelques personnes. Suétone dit qu'après la mort de l'empereur Caligula, on ouït tant de bruit dans le lieu où il avait été tué que l'on n'osa plus y demeurer. On a longtemps entendu un grand bruit d'armes et de combattants dans les champs de Pharsale, depuis la défaite de Pompée. On n'en ouït pas moins dans la campagne de Marathon après la déroute des Perses. Je ne puis passer sous silence une histoire qui nous est rapportée par Guillaume de Neubrige. Un paysan d'un village voisin des eaux de Vip, allant le soir, dans un temps calme et serein, chez un de ses amis, entendit en passant auprès d'un tombeau un concert de différentes voix. Le paysan, surpris de cette harmonie, s'approcha du tombeau et, en ayant trouvé la porte ouverte, il eut la curiosité de regarder dedans. Il vit une grande salle éclairée de quantité de flambeaux, au milieu de laquelle était une table bien couverte, entourée d'hommes et de femmes qui se réjouissaient. Un de ceux qui servaient à table, l'ayant aperçu, lui présenta une coupe remplie d'une liqueur très claire. Le paysan la prit, et ayant renversé la liqueur, s'enfuit avec la coupe au premier village. Cette coupe était d'une matière qu'on n'a jamais su connaître. La figure en était extraordinaire, et la couleur n'avait rien de commun avec celle que nous voyons. Elle fut présentée à Henri le Vieux, roi d'Angleterre, qui l'envoya au roi d'Écosse, dans le trésor duquel elle a été gardée avec beaucoup de soin, jusqu'à ce que Guillaume, roi d'Écosse, en fit présent à Henri II. Il y a une montagne en Islande au pied de laquelle on rencontre souvent, au rapport de Paul de Zélande, des hommes morts qui paraissent vivants à ceux qui les approchent. Ils leur parlent même, ils leur révèlent beaucoup de choses des pays éloignés, et si on leur dit de retourner chez eux, ils répondent en gémissant qu'ils ne le peuvent, qu'il faut qu'ils aillent au mont Éclat et disparaissent aussitôt. Nous lisons dans quelques auteurs qu'un nommé Étienne Hübner, de Trottenor en Bohême, parut en plusieurs endroits de la ville, peu de jours après sa mort et qu'il embrassa quelques-uns de ses amis qui le rencontrèrent. On dit de Néron qu'il fut tourmenté toute sa vie par l'âme d'Agrippine, sa mère, qu'il avait fait mourir. Saint Augustin rapporte que Félix le martyr se fit voir aux habitants de Nole lorsque cette ville était assiégée par les barbares. En un mot, les histoires sont toutes remplies d'exemples de morts qui ont apparu à leurs parents ou à leurs amis. On pourrait encore confirmer cette opinion par l'autorité de quelques pères de l'Église qui ont cru que les âmes des morts pouvaient sortir pour un temps du lieu où elles étaient, que celles des damnés étaient souvent punies où ils avaient commis leurs crimes, que c'était là leur enfer et le lieu de leur peine. Nous lisons même dans Manilius que, durant le concile de Bâle, quelques docteurs qui devaient y assister entendirent dans une forêt un rossignol qui chantait si mélodieusement qu'un de ces docteurs, surpris de la douceur de son chant, le conjura au nom de Dieu de lui dire qui il était. Et cet oiseau lui répondit qu'il était une âme damnée qui devait rester dans ce lieu-là jusqu'au jour du jugement. Les auteurs kabbalistes ont prétendu que les esprits étaient des créatures matérielles composées de la substance la plus pure des éléments, que plus cette matière était subtile, plus ils avaient de pouvoir et d'action. Ces auteurs en distinguent de deux sortes, de supérieurs et d'inférieurs. Les supérieurs sont ou célestes ou aériens. Les inférieurs sont ou aquatiques ou terrestres. Les esprits célestes, que l'on appelle ignéens ou salamandres, résident entre le ciel des étoiles et le concave de la lune. Comme ils sont composés du plus pur des éléments, ils ont plus de connaissances que les autres. Ils savent tout ce qui se passe dans l'univers. Ils observent jusqu'au moindre changement qui y arrive. Les esprits aériens occupent ce grand espace qui est depuis le concave de la lune jusqu'à la superficie du globe inférieur. Ils possèdent les arts et les sciences dans un état parfait. Les esprits aquatiques que l'on nomme fées, nymphes, sibylles blanches demeurent dans les eaux. Ils prédisent la bonne ou méchante fortune. Ils se disent les maîtres de la parque et du destin. Ce fut un de ces esprits qui, au rapport de Pline le Jeune, prédit en Afrique, à Cursus Rufus, qu'il retournerait bientôt à Rome, où il recevrait de grands honneurs, qu'on le choisirait pour être gouverneur d'Afrique et qu'il mourrait dans cet emploi. Ce furent aussi des nymphes qui firent présent, dit-on, à un roi de Suède d'une ceinture fatale de laquelle il n'avait qu'à se ceindre pour vaincre ses ennemis. Les esprits terrestres habitent les forêts, les plaines, les vallons, les montagnes, les cavernes et les lieux souterrains. Ils ont différents noms selon les lieux où ils se trouvent. On appelle farfadets ou esprits familiers ceux qui habitent avec les hommes, satyres ou sylvains ceux qui errent dans les vallons, dans les forêts et les montagnes, alastor ceux qui sont dans les campagnes et dans les chemins, gnomes, sylphes, nains, ceux qui demeurent dans les mines et les autres lieux souterrains. Ces esprits sont gardiens des trésors et des richesses. Les esprits célestes et les aériens se communiquent rarement aux hommes, mais les aquatiques et les terrestres ont beaucoup de commerce avec eux. Il y a même quelques familles considérables en France qui se vantent d'en être sorties et qui portent des fées sur le cimier de leurs armes. Les princes de la famille des Jagellons en Pologne se disent aussi descendus de ces esprits. Quelques auteurs prétendent que les Huns sont issus des satyres, qui séduisirent les femmes débauchées de l'armée de Philimère, roi des Goths, qui les avait fait conduire, quelque temps auparavant, dans un désert, où elles étaient éloignées du commerce des hommes. On dit la même chose des Pégusians et des Cyanites, dont les mères avaient eu affaire avec quelques follets. Il en est de ces esprits, disent-ils, à peu près comme des hommes. Il y en a de bons, d'honnêtes, de bienfaisants, d'enjoués, de divertissants. Il y en a aussi de chagrins, de méchants, de cruels, etc. Les bons aiment les hommes. Ils se plaisent à leur faire du bien. Ils les secourent dans leurs besoins. Ils les consolent dans leurs afflictions. Ils les aident de leurs conseils. Ils détournent les malheurs qui les menacent, etc. Tel était le génie de Socrate, l'aigle de Pythagore, la nymphe Égérie de Numa Pompilius. Tel était aussi le génie de Constantin le Grand, que cet empereur nommait l'auteur de son salut, et qu'il disait avoir toujours consulté dans les affaires les plus importantes de l'Empire. Govard, prétendu roi de Norvège, fut averti par son génie que l'on conspirait contre lui. Apollonius fut enlevé des mains d'une troupe de soldats qui l'avait arrêté par ordre de l'empereur Domitien. Aristide fut transporté de Smyrne au mont Athis lorsque cette ville fut renversée par un tremblement de terre. L'empereur Trajan eût été accablé sous les ruines d'Antioche sans son génie qui l'en fit sortir. Nous avons rapporté que le poète Simonide n'eût jamais évité celle de la maison de Scopas, chez lequel il était à souper, s'il n'eût été averti par deux jeunes hommes qui le demandaient avec instance et qui disparurent aussitôt qu'il en fut dehors. Aulos, archevêque d'Uppsale, rapporte dans son histoire des pays septentrionaux que l'on y rencontre souvent des esprits en forme d'hommes, qu'ils conversent familièrement avec les habitants, qu'ils s'engagent à leur service et travaillent avec eux dans les mines. Il ajoute qu'il y a beaucoup de follets en Islande qui prennent la figure des gens du pays et trompent leurs parents et leurs amis sous cette fausse apparence. Nous lisons une semblable histoire dans Hérodote d'un de ces esprits qui apparut à Proconèse sous la forme du poète Aristée et qui, étant entré dans la boutique d'un foulon, feignit de se trouver mal et de rendre l'esprit. Le foulon courut promptement avertir les parents d'Aristée de sa mort subite, et le bruit s'en étant répandu dans la ville, les Proconésiens y accoururent de toutes parts. Mais ils ne trouvèrent ni le follet, ni le corps d'Aristée. Un homme qui arrivait par hasard de Cyzique les assura qu'il avait laissé le poète auprès de cette place, et qu'il était encore dans la Propontide. Ce follet apparut en différents lieux sous la même figure. Sébastien Münster rapporte dans sa Cosmographie qu'en un désert auprès de Tangut, ces esprits font souvent retentir l'air d'une douce harmonie de divers instruments, qu'ils appellent les passants par leur nom, les détournent quelquefois de leur chemin et se moquent d'eux ensuite. Les méchants esprits ne sont pas moins ennemis des hommes que les bons leur sont favorables. Aux terres nouvellement découvertes, on en trouve en plein midi, dans la campagne et dans les villages, qui arrêtent les passants, les maltraitent et leur ordonnent ou défendent de faire certaines choses. Ceux qui ont voyagé sur mer en disent autant du pays des cannibales. On en voit aussi pendant la moisson dans la Russie orientale qui se promènent dans la campagne en habit de veuve, qui obligent les paysans de se prosterner devant elles, et leur rompent les bras et les jambes quand ils ne sont pas assez tôt à leurs pieds. On peut lire beaucoup d'autres exemples dans Diodore, dans Münster et dans Agricola. Ceux qui ont cru que les esprits étaient des créatures matérielles les ont assujettis à la mort comme les hommes. L'opinion la plus commune veut que les esprits soient des démons ou des diables, qui, après leur chute, sont restés dans l'air, dans les eaux et sur la terre. Comme elle est appuyée sur l'explication de quelques endroits de l'Écriture sainte et des pères de l'Église, on pourrait peut-être y ajouter quelque sorte de créance. Elle est d'ailleurs la moins embarrassante et la plus aisée à comprendre. De la puissance des diables. Que ceux qui, voulant paraître des esprits forts, refusent de reconnaître la grande puissance des diables, lisent attentivement, et plus d'une fois, ce que nous allons écrire, et sans doute ils quitteront leur opinion pour adopter celle de plusieurs grands auteurs qui ont si bien traité des diables qu'il serait difficile d'en parler avec plus d'assurance, de connaissance et d'habileté. Il faut premièrement que l'on sache qu'il y a des diables et des diablesses, et que les diablesses ont paru dans le monde quelque temps avant les diables, qu'elles conçurent ceci du premier de tous les hommes, pendant plusieurs années qu'ils ne voulaient pas, soit par chagrin, soit par confiance, soit par dégoût, habiter avec sa femme. Les rabbins l'assurent ainsi. Ces rabbins parlent aussi certainement de toutes les choses dont ils nous instruisent, que s'ils avaient vécu dans le temps où elles sont arrivées et s'ils les avaient vues de leurs propres yeux. Cette puissance qu'on nous assure que les diables ont dans le monde ne doit point surprendre, puisque ces philosophes soutiennent qu'ils sont composés des quatre éléments, et que ce monde en est lui-même composé. Ils pénètrent toutes choses et peuvent en un moment passer d'un lieu à un autre, quelque éloigné qu'ils soient, puisqu'ils sont si déliés et si subtils que les êtres les plus matériels et les plus durs ne peuvent s'opposer à leur passage, ni les retenir dans leur course. Cela étant, il ne leur est pas bien difficile d'entrer dans une chambre, quelque bien fermée qu'elle soit, quand elle serait tout entourée d'un acier extrêmement épais, cet acier aurait des pores, et c'est par ces pores qu'il ne manquerait pas de s'insinuer. Les diables ont commencé d'exister presque aussitôt que le monde. Bien plus, c'est que quand même il n'y en aurait point eu jusqu'à ce moment, nous n'en manquerions pas pour cela dans la suite. Voici pourquoi. Des savants des peuples entiers sont persuadés qu'un nombre prodigieux d'âmes deviennent diables après la mort des corps qu'elles ont animés. La raison pour laquelle ce nombre est prodigieux, c'est que les âmes qui se diabolisent sont celles des méchants, des enfants morts-nés, des femmes mortes en couche, des hommes morts en duel. Si l'on pouvait compter combien il y a d'âmes de cette sorte, que la mort fait sortir de leur corps en 8 jours, on trouverait qu'il n'y aurait déjà que trop de diables pour nous tourmenter, quoique quelques gens veuillent pourtant nous faire croire qu'il y en a de bons et de blancs qui sont simplement des anges et non pas des diables. Pour montrer encore que rien n'est plus commun que les diables, c'est qu'il est constant, car de grands hommes l'ont écrit, et puisque ce sont de grands hommes, on doit avoir une grande confiance en ce qu'ils disent, que ces mauvais esprits se multiplient entre eux comme les hommes, qu'il y en a tant dans l'air qu'on peut dire qu'il en est plein. Et qu'ainsi, il arrive sans doute que, par la respiration, et pour mieux dire, par l'aspiration, nous en attirons plusieurs dans notre corps, méchants hôtes que nous avons chez nous et que nous n'avons pas intérêt de garder. Comme ils sont extrêmement portés à mal faire, ils ne tiennent pas alors leur malignité oisive. Ils travaillent de leur mieux. Mais à quoi ? À nous causer des maladies qui nous impatientent et qui nous font beaucoup souffrir, à nous donner des songes qui nous troublent et qui nous inquiètent, à nous inspirer leurs malices et à nous les faire pratiquer, afin de nous rendre aussi criminels qu'ils le sont eux-mêmes. Quoiqu'il y ait un si grand nombre de diables qu'il paraisse impossible de le fixer, un homme qui s'était particulièrement appliqué à le connaître est enfin parvenu à cette connaissance. Il sait combien il y en a aussi sûrement que s'il les avait tous comptés un à un, les faisant passer en revue devant lui. Il assure donc qu'il en a trouvé 7 405 926, sauf l'erreur de calcul, ajoute-t-il. Ils sont composés des quatre éléments, et c'est pour cela qu'ils en disposent souvent comme ils veulent. Mais il est vrai aussi que quelquefois ils sont terriblement ballottés par ces mêmes éléments, et que tel diable s'attend de demeurer tranquillement sur la terre, qu'à l'heure qu'il y pense le moins, elle le renvoie si loin qu'il se trouve tout d'un coup porté dans la région du feu, de là dans l'air, et ensuite sur les eaux. Enfin, voyant qu'on le jette de tous côtés, il prend parti de se mêler dans les tourbillons, et de s'insinuer dans les vents. Et là, il fait des fracas épouvantables pour se venger de ces éléments, des eaux par exemple, en y excitant des tempêtes et leur donnant des agitations effroyables, de la terre, en déracinant ses arbres, et détruisant autant qu'il peut les fruits qu'elle produit. En quoi, certes, on n'a pas sujet alors de le reconnaître pour directeur de cet élément, qualité que quelques-uns ont attribuée aux démons. S'il est vrai, comme d'autres l'ont pensé, que les étoiles n'ont été placées au lieu où elles sont que pour empêcher les diables de monter jusque dans les cieux, qui nous empêchera de croire que ces mauvais anges, poussés encore par un esprit de vengeance, se mêlent dans les influences des astres, afin de les corrompre et de nous apporter ensuite avec elles tant de maux dont on ne ressent que trop les effets, mais dont on ne peut pas comprendre la cause. De bonne foi, est-il croyable que si les diables n'apparaissent point, tant d'habiles gens auraient si affirmativement assuré qu'ils apparaissent, dans quel temps ils apparaissent, et donné des détails si circonstanciés de toutes les différentes manières de leurs apparitions. On apprend d'eux que les diables se montrent ordinairement les nuits d'entre le vendredi et samedi, ou à midi. Que pour se former la figure sous laquelle ils veulent se faire voir, ils choisissent un vent favorable et la lune dans son plein. Que quand c'est la figure d'un homme, elle est toujours effroyable et mal proportionnée. Par exemple, très noire, extrêmement grande ou très petite. Si c'est celle d'une femme qu'elle aura, au lieu de pieds, des têtes de dragon, ou qu'elle sera comme une veuve, vêtue de noir mais cruelle, rompant bras et jambes à ceux qu'elle rencontre, qu'ils se métamorphosent en orme, en fleuve, en chien, en chêne, en oiseaux qui prédisent l'avenir, étant enfermés dans des cages, en avocats, en brins de paille, en truies, en masses d'or, en laitues, en arbres gelés, en moines, en ânes, en roues, en chevaux, en dragons, en gueux, et que même s'ils ont osé se revêtir de l'apparence du grand législateur des Juifs, ces auteurs ont encore remarqué qu'on n'a jamais vu les diables paraître en colombe, en brebis ou en agneau. Après un si grand nombre d'histoires rapportées par tant de différents auteurs, qui peut être encore incrédule ? Osera-t-on dire tout cela est faux quand ces grands hommes qui, après s'être appliqués avec toute l'attention possible à bien connaître les diables, ont poussé leurs soins et leur bonté jusqu'à vouloir bien prendre les moyens de nous faire part de ce qu'ils ont connu? Qui n'a entendu parler des diables incubes et succubes, c'est-à-dire de ceux qui couchent avec les femmes et qui en abusent? Ce sont les incubes. Et de ceux qui, après avoir pris la figure d'une femme, ce sont les succubes, excitent les hommes à commettre des crimes que l'on conçoit sans qu'il soit nécessaire de les déclarer. Il est constant que les diables n'aiment rien tant que de faire commettre les plus grands crimes. Cette proposition étant incontestable, nous ne devons donc point douter qu'ils n'aiment beaucoup mieux abuser d'une femme mariée que d'une fille, Et c'est ainsi que les démonographes nous apprennent, étant persuadés qu'on ajoutera foi à leurs histoires, puisqu'elles sont fondées sur la malignité des démons, que tout le monde reconnaît et dont personne ne doute. Si l'on ne craignait de salir l'imagination du lecteur, on rapporterait ici ce qu'ils disent des douleurs que souffrent les femmes quand elles ont habitude avec les diables, et pourquoi elles souffrent ces douleurs. Mais par pudeur, on veut taire ces circonstances et ne point rapporter ici les pages 134, 224, 225 du livre de l'inconstance des diables par de l'encre. À Dieu ne plaise que l'on ne salisse cette histoire par de telles ordures. Nous nous bornons à dire qu'il est si vrai que les diables font des enfants, qu'on les reconnaît et qu'on les distingue dans le monde parfaitement bien des autres. On leur donne même un nom particulier pour marquer cette distinction, afin que l'on ne s'y trompe point. On sait, parce que l'on a remarqué bien des fois, que ces enfants sont fort criards, si affamés qu'ils épuisent plusieurs nourrices. Si pesants qu'à peine les peut-on porter. Cependant, si maigres que les os leur percent la peau, et qu'heureusement pour les pays où ils naissent, leur vie est très courte. On dit heureusement, car, étant la production de si mauvais esprits, quel mot ne ferait-il pas de le monde s'il vivait aussi longtemps que les autres hommes? Il y a eu pourtant quelques-uns de ces enfants d'iniquité qui ont passé au-delà du terme qu'on donne au cours de leur vie. Un certain Merlin, par exemple, et quelques autres qu'on n'a pas vus mourir, parce qu'ils ont disparu et sont apparemment allés vivre ailleurs. Que de filles qui, pensant jouir des personnes qu'elles aimaient, ont trouvé que c'était des diables qui les avaient abusés. Que d'hommes qui ont eu des diablesses pour maîtresses. Celles qui ont affaire à des diables, croyant que ce sont des hommes, ne restent pas longtemps dans cette erreur, car ces mauvais esprits se font un plaisir de faire connaître la fourberie. Quelques-uns même imprègnent sur les femmes en les quittant des marques qui leur font connaître qu'elles ont été trompées. Laissons cette matière, elle donne trop de vilaines idées. Passons à d'autres diableries qui ne sont pas si sales. Les savants qui ont traité les diableries n'ont pas oublié de parler des démoniaques, car c'est sur ces malheureux possédés que les mauvais esprits triomphent. C'est là où ils dominent avec une puissance qui est telle qu'ils disposent également de leur âme et de leur corps, de leur âme en renversant leur jugement et faisant raisonner comme ils veulent, de leur corps en donnant à leurs membres toutes les contorsions les plus effroyables, parce qu'ils aiment à s'en servir pour effrayer les spectateurs et pour intimider ceux qui entreprennent de les chasser. Ces démons, pour faire par les possédés ce qu'ils souhaitent, choisissent si bien leur temps qu'ils ne manquent pas de réussir, et c'est justement sur le cours de la lune qu'ils se règlent, car elle est d'un grand secours pour les sorciers, pour les magiciens, et par conséquent, pour leurs maîtres, nous voulons dire les diables. Les contorsions, les convulsions et les grimaces des possédés augmentent ou diminuent selon le cours et le décours de cet astre. Si ceux qui entreprennent de chasser les diables du corps des démoniaques savaient cette singularité, ils n'auraient pas tant de peine qu'ils en ont pour réussir dans leur projet. Ils y travailleraient dans le temps que la lune est tout à fait dans son déclin. Et alors, la puissance du diable étant tout aussi faible que la lumière de cet astre, il le ferait très facilement sortir, car il est très rare de trouver dans les possessions démoniaques des diables d'aussi bonne volonté que celui dont il est parlé dans l'histoire, qui convainc avec les juifs d'entrer dans le corps de la fille d'un empereur et d'en sortir par leur commandement, afin de leur procurer du crédit. Il faut convenir aussi que ces malins esprits ne tourmentent pas toujours ceux dont ils se sont emparés. Ils leur font souvent plus de peur que de mal. Souvent, ils les chatouillent et les font rire de si bon cœur qu'on dirait qu'ils sentent un extrême plaisir. Ils les rendent même admirables en leur faisant parler différentes langues sans qu'ils aient jamais pris la peine de les apprendre. S'ils ne faisaient rien de pis, on s'en divertirait volontiers et on les laisserait en repos. Mais ils font souvent des pactes. Ils exigent des consentements par lesquels on se donne à eux. Pacte qu'on ne peut retirer que par une puissance surnaturelle qu'on n'est pas toujours assuré d'obtenir. Et il est d'autant plus difficile de les chasser des corps de ceux qu'ils croient leur appartenir que souvent ils s'unissent plusieurs ensemble afin de tenir plus ferme et de résister avec plus de vigueur. On a prétendu ranger parmi tous les diables quelques-uns qui ne sont pas si méchants que les autres, qui font quelquefois plaisir. Mais on n'en pousse pas si loin le nombre que de ceux qui sont méchants en toute manière. On admet que 30 000 de ceux-là. Certes, il faut avoir fait de grandes recherches pour en fixer si précisément le nombre. Nous devons savoir bon gré à ceux qui ont pris cette peine, car il nous serait très difficile d'y réussir aussi bien qu'eux. Ce serait le comble de l'ingratitude que de ne leur donner point d'autre récompense de leur travail que de l'incrédulité. C'est assurément ce qui n'arrivera jamais. Parmi ces 30 000 sont les esprits follets, les esprits familiers, les lutins, ainsi appelés parce qu'ils se divertissent à lutter avec les hommes, apparemment pour les rendre plus forts par cet exercice. Il y en a qui instruisent par les songes de ce qu'on doit chercher ou fuir. D'autres accompagnent sous le nom de Maître Martinet les voyageurs et leur font prendre des chemins les plus courts et les moins dangereux. Il y en a qui passent par une succession de plusieurs années aux enfants afin de défendre les familles auxquelles ils se sont attachés contre les insultes de leurs ennemis. Quelques-uns donnent des conseils, mais de telle sorte que, quoi qu'ils soient fort prêts, leur voix paraît venir de fort loin. On en a vu qui étaient si appliqués aux intérêts de leur maître et si empressés pour ne laisser faire aucune mauvaise démarche qu'ils leur tiraient sans façon les oreilles ou les frappaient quelque part pour les détourner de commettre quelque faute qui leur fût pernicieuse. Et à propos de ces bruits qu'ils font et de ces coups qu'ils donnent, on a remarqué qu'il n'y avait ni chaleur, ni dureté, ni violence dans ces mouvements, car leurs mains sont froides comme glace et molles comme du coton. On peut appeler ces diables de fort bons garçons, aussi bien que ceux qu'on nomme drôles, et qui pensent soigneusement les chevaux de leur maître et qui ont soin de leurs horloges. On a dit qu'un fameux philosophe en avait un dans le pommeau de son épée. Que de gens qui voudraient avoir de ces diables qui font revenir l'argent dans la bourse après qu'il en est sorti ou qui apprennent à faire la pierre philosophale. Le plaisant diable que celui qui prenait plaisir à faire voler en l'air à coups de pierre le bonnet d'un président, l'obligeant et le reconnaissant diable que cet autre qui, pendant le jour, se cachait dans les fagots où l'on avait soin de le bien nourrir et pendant la nuit allait dérober çà et là du blé pour récompenser ceux qui lui faisaient du bien. Enfin, quelle commodité d'emporter dans les bagues ou d'en conserver dans des fioles pour s'en servir quand on en a besoin. Avouez qu'il y a bien plus d'avantages à voir de tels démons que ceux qui, par malice, enflent le visage des hommes à qui ils en veulent, et les défigurent de telle sorte qu'on ne les reconnaît plus. Ceux qui se servent des morts pour tourmenter les vivants, ou qui vont dans les cimetières y déterrer les charognes et les manger jusqu'aux os, ou qui font perdre tout d'un coup à un homme quelques membres de son corps. De tous les diables, on tient que les plus menteurs sont ceux qu'on appelle terrestres. La raison en est claire, c'est qu'habitant dans les entrailles de la terre, il est constant qu'ils sont les plus éloignés du ciel, qui est le domicile de la vérité. Viennent ensuite, un, les sylphes, ces habitants de l'air qui, par une prononciation cabalistique d'un nom mystérieux, mettent en fuite les autres démons. Deux, les nymphes ou ondins, habitants des eaux, et que nous ferons venir à nous quand il nous plaira. Trois, les salamandres, habitants du feu. Quatre, les ogres, monstres qui n'aiment rien tant que la chair fraîche, comme celle des petites filles et des petits garçons. 5. Les fées, dont les grands-mères et les mies font tant d'histoires aux enfants. Ces fées, disons-nous, qu'on assure être aveugles chez elles et très clairvoyantes dehors, qui dansent au clair de la lune quand elles n'ont point d'autre chose à faire, qui enlèvent les bergers et les enfants pour les porter dans leurs cavernes et en disposer ensuite à leur volonté, qui préservent de grêle et de tempête les lieux qu'elles habitent. Voilà sans doute assez parlé des diables et de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils peuvent faire. Qu'on songe donc à s'en défier, puisque le monde en est plein, qu'ils ont tant de pouvoir et que l'artifice ne leur manque pas pour le faire sentir et pour arriver à leur fin. Cette défiance, si on ne l'a pas et qu'on ne se tienne pas sur ses gardes, on tombe dans les pièges qu'ils se feront toujours un plaisir de nous tendre. Fin du chapitre 1, sous chapitre 53 à 57, enregistré par Frédéric Surget.